La compagnie des auteurs, ça commence tout de suite et ce sont toujours avec les indispensables. Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Corinne Amar et Eva Le Saux. À la réalisation, Laurence Millet. À la console, Bruno Gagnère-Fontanille. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, mardi, deuxième épisode de notre série consacrée au prix Nobel péruvien de littérature Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, l'homme du mouvement perpétuel qui vit et a vécu entre Lima, Londres, Paris et Madrid, qui continue à 81 ans d'écrire comme il l'a toujours fait depuis son adolescence et dont nous avons commencé à esquisser la trajectoire hier en compagnie de Stéphane Michaud, éditeur de ses œuvres romanesques dans la bibliothèque de la Pléiade. Jeudi, nous continuerons cette exploration en nous arrêtant d'abord sur deux de ses romans les plus célèbres, La Fête au Bouc et La Tante Julia et le Scribouillard. Ce sera avec Guy Scarpetta en première partie et puis avec Zoé Valdés en seconde partie. Nous parlerons de sa vision à elle de l'écrivain péruvien et de la découverte qu'elle en a fait dans l'île de Cuba, d'où elle est originaire. Demain, un angle bien particulier, celui de la violence dans les romans de l'écrivain sud-américain. Claire Sourpe viendra nous détailler non seulement l'écriture, mais aussi les thèmes qui transcrivent cette violence dans son œuvre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, mon invité est non seulement traducteur du prix Nobel péruvien, mais aussi auteur d'un livre à son sujet, « Ce que je sais » de Vargas Llosa, paru en 2010 aux éditions François Bourin. Avec lui, nous allons revenir sur certains de ses romans, comme « Les chiots » ou « Conversation à la cathédrale », et nous parlerons aussi de l'homme d'action qu'était Vargas Llosa. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Bonjour Albert Bensoussan. Bonjour. Vous êtes, je le disais, traducteur de la plupart des livres de Vargas Llosa, à l'exception, je crois, des deux premiers. Et vous êtes devenu une sorte de double, à force de le fréquenter, de l'écrivain et de fréquenter ses romans aussi. Oui, ben, ça ne nous rajeunit pas. Je le connais depuis 71. Mais c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Oui, ben, on a vécu ensemble d'une certaine façon, enfin, littérairement parlant. Et je dois dire que Vargas Llosa se confond avec ma propre existence, puisque depuis plus de 45 ans maintenant, je le traduis quotidiennement ou presque. Par exemple, le prochain texte à paraître va paraître chez Lafon. Il a écrit un livre qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle en anglais « The Kingdom of Olives and Ash » sur le conflit du Moyen-Orient. Il a fait un grand texte sur son voyage en Cisjordanie. C'est le dernier texte de lui que j'ai traduit. Et auparavant, eh bien, il y a le roman, le grand roman, le dernier grand roman qu'il a écrit, qui s'appelle en espagnol « Cinco Esquinas ». En français, « Cinq coins », ça passait pas très bien. En anglais, ça s'appelle « Five Corners », c'est plus facile. Et je crois qu'on va l'appeler « Scandale à Lima ». Je l'ai traduit avec mon ami Daniel Lefort, qui fut conseiller culturel au Pérou. Ça vous a changé, cette fréquentation quotidienne de la pensée de Mario Vargas Llosa, depuis maintenant beaucoup d'années, comme vous le dites ? Ouais, je crois qu'on se ressemble un petit peu. Il a déteint sur vous ? Non, complètement. Enfin, je suis son double, mais je n'ai pas la même stature, évidemment. Je ne suis que son ombre, voilà, si on pourrait dire ça comme ça. Oui. Je l'ai traduit depuis le début. Au début, mon premier texte, ma première rencontre a été ce petit livre qui est d'une grande importance, qui s'appelle « Les chiots ». Oui, on va en parler. Et qui est peut-être la matrice de toute son œuvre, je ne sais pas si on en parlera. Ah oui, oui, oui, bien sûr. Oui. Et donc, j'avais traduit ce texte, j'avais rencontré à Barcelone. Je l'avais vu déjà à Londres, à l'époque, chez une espèce de pape de la littérature, qui est Cabrera Infante, qui fut le maître de Zoé Valdés, que vous allez recevoir dans deux jours. Et c'est d'ailleurs chez Cabrera Infante que j'ai connu tous mes Sud-Américains qui ont suivi, comme Manuel Puig, par exemple. Alors, il parle un peu des traducteurs, parfois, dans ses romans, Manuel Vargas Llosa. Ah, mais bien sûr, oui. Il y a même le portrait, je ne sais pas si c'est le mien, celui du personnage Salomon de Toledano. Je pensais à celui-là parce que, alors, c'est quand même un personnage de menteur, d'entremetteur, libidineux. Oui, c'est mon portrait. Débauché. Ben non, mais c'est la question qu'on se pose tous. Hein. Le seul rapport avec lui, d'abord, c'est un traducteur, bien sûr. Et j'avais dit il y a longtemps à Mario que, de par mon origine, je descendais probablement de juifs de Tolède, qui avaient été expulsés en 1492, car dans les archives de Tolède, qu'on a découvert, sur 3 siècles, le patronyme de mon père se retrouve. Alors, je lui ai dit, je suis de Tolède. Et voilà, que je crois que je me suis retrouvé dans ce livre qui fait partie du roman Tours et détours de la vilaine fille. Mais alors, ce Toledano, il dit quand même quelque chose qui peut étonner. Il dit, la passion amoureuse et la fidélité en mariage sont deux éléments stérilisants pour l'exercice de l'écriture. Alors évidemment, on a envie de se demander si c'est Vargas Llosa qui parle à travers son personnage de traducteur, ou alors si même le traducteur pourrait penser la même chose. Mais non, ça remonte à plus loin. Ça remonte à Flaubert. Ça remonte à Flaubert parce que dans les lettres, je crois que c'est à Le Poitevin, je crois, qui lui demandait le conseiller sur son mariage. Et Flaubert, dans une de ses lettres, lui dit « Le mariage, c'est stérilisant pour un écrivain. » Dans chaque, je sais pas s'il dit le mot, mais Mario l'a repris sous une forme de paraphrase, chaque vagin est la tombe d'un écrivain. Mmh. Et c'est une citation de Flaubert légèrement déformée par Vargas Llosa, vous la trouverez dans La Tante Julia et le Scribouillard. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, d'après vous? Vous avez discuté de ça avec lui? Mais non. C'est une posture littéraire. Ah, mais bien sûr. C'est un clin d'œil. Vous savez qu'il a écrit un grand livre sur Flaubert et Madame Bovary, qui s'appelle L'orgie perpétuelle. Voilà. Alors, ce premier livre que vous avez commencé d'évoquer, Albert Bensoussan, oui. Les Chiots, c'est donc avec lui que votre aventure commune va commencer. C'est un livre très important, c'est un livre d'avant-garde. Oui, il a une écriture très particulière parce que, au début, j'étais complètement désarçonné. D'ailleurs, je suis toujours devant chacun de ses livres. Ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Il faut d'abord s'étonner et se sentir complètement incapable. À chaque fois, vous avez des difficultés. Mais bien sûr, bien sûr. Donc il n'y a pas d'homogénéité dans tous les livres de Mario Vargas Llosa. Ah, si. À chaque fois, il y a une nouvelle façon d'écrire qui, vous, traducteur, vous pose de nouveaux problèmes. C'est toujours la même voix, c'est la mienne et la sienne. Elles se confondent. Mais il faut poser sa voix. C'est donc assez compliqué. Alors pour les chiots, c'est un livre qui m'a déconcerté parce que, pour la première fois, il faisait l'expérience d'un éclatement de la syntaxe, dans la mesure où, dans la même phrase, il va faire alterner le « nous » et le « il ». Nous portions des pantalons courts, ils fréquentaient le collège Intel, nous faisions ceci, ils faisaient cela. Et ma première réaction, homme cartésien, français, cartésien, malheureusement, on a été déformé par ça. Je me suis dit, ah non, il faut trouver le moyen terme. Et alors, la première traduction, j'avais mis « on ». On portait des pantalons courts, on allait à l'école. Le « on », c'est à la fois un « je », un « nous » et un « il ». Et puis, je me suis rendu compte que c'est une trahison totale. Je me suis dit, mais enfin, il a inventé ce style. Si je ne suis pas fidèle à ça, et ça, c'était la leçon que j'avais retenue de Cabrera Infante, qui voulait absolument que je puisse violer la langue comme il violait l'espagnol. Nous étions des violeurs tous les deux. Il fallait tourmenter cette langue. Et alors, j'ai suivi, d'une façon très fidèle, cette structure syntaxique. Et ça donne un texte qui, au début, peut déconcerter. Mais si on s'y habitue, on entre parfaitement dedans. Alors, vous dites que c'est un jalon de son œuvre, un jalon nécessaire. Qu'est-ce qui naît là? Qu'est-ce qui éclot avec ce roman Les Chiots et qui va rester finalement dans le style, dans l'écriture de Mario Vargas Llosa, Albert Bensoussan? Dans son écriture, ensuite, il va nuancer, il va pas faire ça systématiquement. C'est un roman très court, fait 6 petits chapitres et ça fait 60 pages. Il a été publié d'ailleurs dans tous les folios, folio bilingue, folio junior, folio à 2 €, etc. Et c'est un livre qui passe très bien sur 60 pages, mais pas sur 500. Et donc ensuite, il va arranger ça. Bon, il a été influencé aussi par l'école nord-américaine, par Faulkner, par des gens comme ça. Mais il s'est assagi, il s'est assagi de plus en plus. Ce qu'il a gardé toujours, c'est l'alternance des voix. Ça, dans tous ses romans, il y a toujours des chapitres alternés. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est extrêmement plaisant. Ça signifie quelque chose, ça, pour Mario Vargas Llosa, l'alternance des voix comme ça constante d'un chapitre à l'autre, comme par exemple dans La tante Julia et le Scribouillard. Ben oui, absolument. Dans La tante Julia et le Scribouillard, on commence à il raconte sa propre histoire, puis d'un coup, on a des nouvelles interpolées et qui racontent des choses totalement, qui n'ont absolument rien à voir. Voilà, un chapitre sur deux, c'est une nouvelle qui apparemment n'a rien à voir avec l'histoire. C'est ça. C'est troublant, d'ailleurs. Je crois que Mario, qui a une grande culture espagnole, vous l'avez présenté comme péruvien, il est hispano-péruvien, étant espagnol depuis plus de 20 ans. Et il a une grande culture de l'espagnol, de la langue classique. Par exemple, quand il était candidat à la présidence de la République du Pérou, il lisait Góngora le soir, un grand poète baroque. Eh bien, l'esthétique espagnole, telle qu'elle a été inventée à la Renaissance, disait que les histoires, les romans devaient être un et plusieurs, uno y varios, un et plusieurs, et que la doctrine était d'enseigner, c'est-à-dire d'avoir un but pédagogique, moral, politique, et d'amuser, et un but de distraction. Et c'était par la distraction qu'on arrivait à apprendre, un peu comme chez Rabelais quand il dit qu'il fallait peloter les déclinaisons. On joue avec des pelotes et on apprend Rosa, Rosa, Rosa. Voilà. D'où la dualité, c'est ça. Voilà, c'est comme ça d'où que la dualité chez Vargas Llosa. Alors, les chiots. Alors, les chiots, oui. Il y a quand même un thème très fort dans ce roman. Oui. Et vous allez nous dire si c'est un thème primordial. C'est celui de la virilité. Finalement, les chiots, c'est une parabole du mythe péruvien de la virilité, puisque c'est basé sur un fait divers, qui est sans doute un fait divers réel, d'un petit garçon émasculé par un chien qu'il a mordu. Et ça, Mario Vargas Llosa en fait véritablement une parabole signifiante sur son pays, Albert Bensoussan. Oui. C'est-à-dire qu'il a raconté souvent sa propre existence. Il la raconte, par exemple, dans Le Poisson dans l'eau, il la raconte dans La tante Julia, d'une certaine façon très déguisée dans La ville et les chiens. C'est un garçon qui, lorsqu'il naît, n'a pas de papa. Le père a abandonné sa mère, il est né à Arequipa, le père a disparu. Et l'enfant est élevé par son oncle, Lucho, qu'il adore, et par son grand-père, qui l'emmène avec lui. Et il va vivre en Bolivie pendant 10 ans, ensuite il va vivre dans le nord du Pérou. Et puis, un jour, voilà que le père réapparaît, l'enfant a 10 ans. Et ce père, c'est un macho. Et d'ailleurs, ce mot de macho, c'est bien un mot sud-américain. Oui, c'est espagnol. Alors, il découvre son père. Il croyait que le père était mort, puisqu'il avait une photo du père sur la table de nuit. Et tous les soirs, sa maman, qui était très pieuse, très, très pieuse, très catholique, le faisait prier à mon père son père qui était aux cieux. Évidemment, son vrai père. Et voilà qu'il arrive. Et il tombe sur un monsieur avec qui il n'a aucun contact, qui est extrêmement dur avec lui, il est très froid, très dur, très autoritaire. Il trouve que l'enfant qui a été élevé par sa mère, sa tante, a été élevé dans du coton, c'est un enfant gâté. De manière gâté. Trop féminine, finalement. Voilà. Et alors, il veut le dresser. Et la turmie, elle a du mal. Alors, il le bat, c'est physique, il le cogne. Et même dans la rue, il raconte, dans Le Poisson dans l'eau, il raconte dans Le Poisson dans l'eau, on parlait des séquences alternées. D'un côté, il raconte sa campagne électorale, sa formation d'homme libéral avec les Chicago Boys, des choses comme ça. Et de l'autre côté, son enfance. Oui, il parle du kitchen cabinet dans lequel il est en train de mettre en coupe réglée le Pérou de demain, et en même temps, il raconte son enfance. D'ailleurs, il y a une histoire très drôle, si je peux faire une toute petite parenthèse, c'est que Le Poisson dans l'eau, qui est sa confession sur sa campagne électorale et sur son échec en tant que président de la République du Pérou. Dont on parlera dans cette émission également. Ah oui. Eh bien, il l'a publié au début sous forme de chapitres qui étaient les chapitres sur la campagne électorale qui ont été publiés par Bernard-Henri Lévy dans La Règle du jeu. Ça s'appelait Le Poisson hors de l'eau. Et puis tout d'un coup, Mario, qui réfléchit beaucoup, a dit oh, c'est un peu sec. Alors la théorie des récits alternés. Ah, je vais raconter un peu mon histoire. Et il raconte la rencontre avec son père encore. Et il mêle ses aventures de son enfance, son adolescence, et puis la politique. Et tout d'un coup, il a une illumination. Il dit mais je suis pas le poisson hors de l'eau, je suis le poisson dans l'eau. Et ce livre de politique est une fiction. Il raconte la fiction. Et oui, je continue. Et donc, si je reviens maintenant au chiot, et la découverte du père, Voilà un père qui va castrer son fils. Voilà qui pour va, la virilité. Qui va le châtrer. Voilà, c'est ça le point de départ. Je vous propose d'écouter à présent Albert Bensoussan, Mario Vargas Llosa, sur sa conception du roman. Je crois que le roman est une transgression, n'est-ce pas, de l'objectivité, que le roman est une réponse critique à la réalité, au réel, que l'écrivain jamais essayerait cette tentative folle hein, de créer un monde avec des mots si dans le cœur de cette tentative n'aurait pas un rejet, n'est-ce pas, radical du monde tel qu'il est, du monde réel. Je crois que les romans comme forme littéraire est une réaction critique hein, au monde réel et que tout roman porte en soi-même l'intention de replacer le monde réel par le monde fictif. Alors, c'est pour ça qu'il est très dangereux de prendre un roman comme un témoignage sociologique ou historique ou scientifique sur une société donnée. Non, je crois que le roman est un témoignage extraordinaire, mais un témoignage très subtil. Un témoignage surtout sur ce que les hommes et les femmes de cette société rejetaient ou voulaient être au lieu de ce qu'ils étaient. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Mario Vargas Llosa avec Albert Bensoussan. Alors le roman, c'est un témoignage très important, nous dit Mario Vargas Llosa, très subtil, mais ça n'est pas non plus un document sur une société donnée, Albert Bensoussan. Ben oui, ça passe toujours au prisme de sa subjectivité. Alors on en était resté à la castration. L'enfant châtré par le père autoritaire, qui va le faire entrer à 14 ans dans un collège militaire, Léon il va rester Prado. 2 ans, et c'est la matrice de la ville et les chiens. Mais il n'a pas réglé encore le problème avec son père, avec ce premier roman, ni même avec le deuxième. Et tout d'un coup, il tombe sur une coupure de presse où il lit qu'un enfant, un accident s'est produit malheureusement dans un collège, un enfant a été mordu par un chien à un mauvais endroit. Et l'enfant est donc castré. Et tout d'un coup, il se dit, mais c'est une merveilleuse métaphore, nous sommes dans une société de machos, mon père m'a châtré ou il a essayé de le faire, eh bien voilà la métaphore initiale. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va écrire? Qu'est-ce qui suit juste après? Conversation à la cathédrale. Alors justement, conversation à la cathédrale, où là encore, la question de la virilité est posée. Conversation à la cathédrale, il faut dire d'abord que ça n'est pas une conversation qui se passe dans une cathédrale, Albert Bensoussan, mais bien dans un bistrot qui s'appelle la cathédrale. Oui, complètement misérable, qui existe, hein, la cathédrale. Maintenant, le titre a peut-être été inspiré par Meurtre dans la cathédrale. Sûrement. Vous savez, il est très subtil, très malin, Mario, hein, dans cette façon d'avancer. Et ce roman est un règlement de compte, de toute évidence, avec son père. Alors racontons et avec la société péruvienne. L'histoire, oui. Cette conversation, elle dure quoi? 4 heures à peu quatre près. 4 heures. Et elle a lieu entre, dites-nous, le fils d'un avec, dignitaire c'est, finalement. C'est un petit, c'est un journaliste. C'est, le lien, c'est le chien, n'est-ce pas? Alors la ville et les chiens, le chien l'obsède. Il a un petit chien qui s'appelle Batouke. Qu'on a d'ailleurs traduit par boucan, je ne sais pas si c'était la bonne traduction, peu importe, Batouquet. Et ce Batouquet a été enlevé par la fourrière. Alors, la fourrière, c'est très simple, on a une vision totale du Pérou avec cette histoire de fourrière. Les employés de la fourrière gagnent un peso sur chaque fois qu'ils capturent un chien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'emparent des chiens, même dans les bras de la femme qui tient le chien, paf, pour gagner un peso. C'est extraordinaire. Nous avons là la violence dont parlera demain Claire Sourpe. Oui, vous avez préfacé d'ailleurs ce que livre. Dont j'ai préfacé un livre magnifique sur la violence, une grande thèse d'ailleurs, une thèse totale. Et il va donc chercher ce chien à la Fourrière, et il s'aperçoit que le noir, qui est peut-être celui qui a enlevé le chien, est l'ancien chauffeur de son père. Son père qui était donc un dignitaire de la dictature, quoi, finalement. Oui, de la dictature, qui était tout à fait dans la dictature. C'est une fiction, bien entendu. Son père, le vrai père, était un petit employé dans une compagnie d'aviation tout à fait modeste et minable. Tandis que là, nous avons un père qui est très puissant, très riche. Il a une maison de campagne. Et cette maison de campagne est un lieu pour lui où, un mot que Mario aime beaucoup, c'est l'orgie. Oui. Jusqu'au dernier roman, le dernier, il y a l'orgie. Et alors, et l'orgie, il fait des orgies. Là. Avec qui, c'est ça qui est important. Avec qui, voilà, c'est ça. Avec le fameux chauffeur noir. Avec son chauffeur, voilà. Lorsqu'il a du vague à l'âme, lorsque la situation est trop dure, qu'il a reçu des coups en tant qu'homme politique, tout ça, que les affaires vont mal, il va s'enfermer dans cette maison tout seul avec ce chauffeur. Et, comme le dit Mario, dans une scène extrêmement crue, il s'offre à lui. Et ensuite, il est plein de honte, il va se laver, tout ça. Et Ambrosio est un homme d'une grande tendresse, d'une grande générosité. Et il adore le petit qu'il avait vu tout gosse. Et alors, il lui raconte tout. Il lui raconte toute cette histoire-là. Durant ces fameuses 4 heures passées au café de la cathédrale. Voilà, c'est ça. Mais en fait, la découverte de l'homosexualité du père, parce que là, c'est une vengeance particulière. Avoir un père macho et en faire un homosexuel dans le roman, le troisième grand roman qu'il écrit, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Hein. Et il est journaliste. Et en tant que journaliste, il traite des faits divers. C'est comme ça, d'ailleurs, que Mario a commencé. En étant un petit journaliste, il faisait les chiens écrasés, justement, toujours les chiens. Et à l'occasion d'un meurtre, une femme qui est une prostituée, une demi-mondaine, a été tuée. Et on s'aperçoit que cette demi-mondaine faisait chanter le père du narrateur, qui s'appelle Zavala, Santiago Zavala. Et petit à petit, alors on essaye de le mettre à l'écart parce qu'on ne veut pas qu'il sache, Et puis finalement, il va apprendre que son père est peut-être le commanditaire du meurtre parce que son père était homosexuel et que la femme le faisait chanter. Excellente transition vers le journalisme de Mario Vargas Llosa. C'est-à-dire que j'ai eu comme plusieurs gens qui découvraient, n'est-ce pas, en eux une vocation littéraire, la difficulté du choix d'une carrière. Si on aime la littérature, comment gagner sa vie, voilà, ça c'était très angoissant, n'est-ce pas? C'était impensable de gagner sa vie en écrivant. Alors j'ai cherché, j'ai dit un jour, bon, enfin, je serai avocat, je serai professeur. Et c'est comme ça que je suis arrivé au journalisme. D'abord j'ai travaillé comme apprenti, n'est-ce pas, journaliste, dans La Crónica, qui était un journal à sensation. Et après, quoi que j'étudiais, droit et humanité en même temps, j'ai continué à faire du journalisme. Et pratiquement, j'ai fait du journalisme toute ma vie. Je dois dire que le journalisme a été pour moi, comme écrivain, une source extraordinaire d'expérience. Je n'aurais pas pu écrire des livres comme mon roman, par exemple, Conversation à la cathédrale, sans la diversité des milieux, d'ambiances que j'ai pu fréquenter comme journaliste. La compagnie des auteurs sur France Culture. On va quitter quelques minutes seulement, rassurez-vous, la littérature de Mario Vargas Llosa pour parler un petit peu du journalisme, précisément chez lui, qui n'était pas du tout un métier alimentaire, ou s'il a pu l'être à un moment, c'est devenu ensuite un vrai métier, un vrai second métier de Mario Vargas Llosa. Ah, sûrement. Si on prend ses œuvres complètes, les articles de Vargas Llosa occupent 3 volumes. C'est-à-dire environ 4000 pages. Il y a la quasi-totalité de ce qu'il a écrit dans les journaux depuis le début, Il y a même des choses qui n'ont pas été publiées et auxquelles j'ai eu accès quand j'ai publié le livre Un demi-siècle avec Borges, des notes manuscrites, tout ça, on a tout utilisé pour faire ce livre qui a été publié à Lerne. Mais ce qui est écrit est très littéraire, très y compris dans les journaux. Il raconte vraiment des histoires, avec des personnages. Oh, ça dépend. Par exemple, il écrivait, au tout début, il faisait des chroniques cinématographiques. Écoutez, c'est extrêmement drôle. Il est un des premiers, probablement, en Amérique latine, à remarquer combien Brigitte Bardot était charmante dans « Et Dieu créa la femme ». Il avait vu, et c'est une demi-page, une toute petite colonne. Et il écrivait sur tout. Et il continue à écrire. Sur sa cheminée, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il a écrit sur l'installation de sa cheminée dans El Comercio, à Lima. Je ne sais pas si vous avez en tête cet article qui est très drôle, d'ailleurs, parce qu'en fait, il commande une cheminée et on lui dit elle sera là dans 15 jours. Ah, et puis, il appelle tous les jours pendant un an et chaque jour, on lui donne une nouvelle raison pour que sa cheminée n'arrive pas. Donc, il arrive à faire d'un rien un article tout à fait intéressant. C'est un homme de lettres. Mais enfin, c'est aussi un homme engagé. Et tous les 15 jours, il publie ce qu'il appelle les pierres de touche dans El País et dans d'autres journaux. Dans les derniers numéros, il a parlé, par exemple, de la mort de Fidel Castro. Mm. Ou alors, il a parlé du Brexit, vous voyez. Alors, c'est aussi, du coup, un journalisme politique. Et peut-être faut-il parler, Albert Bensoussan, de la trajectoire politique de Mario Vargas Llosa, qui commence dès l'université, finalement. Oui. Alors, mais naturellement, il est à l'université et il va militer dans quoi ? Dans une cellule communiste qui s'appelle Cahuide. Et il se trouve que j'ai bien connu aussi son ami qui était son secrétaire de cellule, un vrai communiste qui s'appelle Héctor Béjar. Et nous l'avions fait venir, il avait fait une conférence à l'époque où Mario était attaqué de tous côtés comme étant un homme de droite, un homme qui avait retourné sa veste parce qu'il a été castriste, et ensuite il a été anticastriste en 71 au moment de l'affaire de Padilla, ce qu'on appelle l'affaire Padilla, vous vous souvenez, il avait été emprisonné, c'était un jeune communiste, un jeune poète que j'ai traduit d'ailleurs pour Tony Cartano il y a quelques années, et Berto Padilla. Et alors, emprisonné, il a fait sa confession totale. Et il a mouillé tout le monde en disant que tout le monde appartenait à la CIA, même Cabrera Infante. Alors, Mario a rompu avec Castro à ce moment-là. Et il a évolué vers une pensée libérale. Et sans oublier que le mot libéral voulait dire de gauche, n'est-ce pas, au sens anglais. Quand on dit libéral, ça voulait dire de gauche, même d'extrême gauche. Oui. Alors, il était blairiste. Il a beaucoup dit que si la France avait pu avoir un Tony Blair, ça aurait été bien mieux pour elle. Et alors, Héctor Béjar, qui a été son secrétaire de cellule, qui a le même âge que lui, dans sa causerie qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années, a montré la grande homogénéité de la pensée de Vargas Llosa. C'est un homme qui a été fidèle toute sa vie à un seul concept. Ce concept, c'est celui qui a donné le nom au mouvement politique qu'il a créé en 88, qui s'appelait Libertad, liberté. Et son libéralisme s'appuie sur le mot liberté. Alors qu'est-ce qu'il met là-dedans aujourd'hui, comme il l'a mis avant ? Par exemple, quand il était directeur du PEN Club international, il s'est occupé des prisonniers politiques en Pologne, en Russie, dans les années 70. Soviétique, hein, et en Argentine. Il est resté que pendant 4 ans, il était sur la brèche. Eh bien, ce qui met dans le mot liberté, c'est la haine des nationalismes, la haine des fanatismes, la haine des intégrismes, la haine des tyrans, les satrapes, dit-il. Il aime beaucoup le mot satrape. La haine des satrapes, le totalitarisme, l'autoritarisme. Et c'est son combat de tous les jours. Ce qui fait qu'il a aussi soutenu des régimes de gauche, Lula au Brésil, Michel Bachelet au Chili. Oui, voilà. En vérité, c'est Albert Camus, finalement, qui guide plus que Sartre, qu'il aime au départ, finalement, sa pensée politique. Albert c'est exact. La différence entre les deux, Sartre lui a donné un schéma. D'ailleurs, il l'a connu, puisqu'il y a eu un célèbre congrès à la mutualité, bien entendu, avec Laurent Schwartz, Sartre, Simone de Beauvoir, pour défendre les prisonniers politiques au Pérou. Et c'est là qu'il a rencontré Sartre. Il était ébloui, naturellement. Il avait une trentaine d'années à peine. Il était ébloui de rencontrer ce monument, Sartre. Tout le monde l'admirait. Et puis, il n'a pas aimé le côté systématique de Sartre, comme beaucoup. Hein, Sartre, c'était la pensée unidimensionnelle. Ah, et Sartre défendant la bande à Bader, par exemple, des choses comme ça, pour Vargas Llosa, c'était insupportable. Et il a découvert l'homme révolté de Camus, plus que les romans, c'est plutôt L'homme révolté qui est son grand livre. Et il a vu là-dedans comment on pouvait tout à la fois se révolter, être révolutionnaire et garder une dimension humaine. Et ce qu'il a surtout mis en exergue de toutes ses études sur Camus, c'est l'humanité, l'humanisme de Camus. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Albert Bensoussan, on va continuer d'explorer ce que vous savez de Vargas Llosa pour reprendre le titre de votre livre chez François Bourin. Mais tout de suite, c'est le moment d'aller jeter un coup d'œil du côté de la presse avec aujourd'hui Éric Fotorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Bonne année, bien entendu. Tous mes voeux à vous, à votre émission, à vos éditeurs et à vos invités. Eh bien merci. Alors Le 1, cette semaine, ou plutôt celui qui va paraître demain, est consacré à la figure de Christiane Taubira. Racontez-nous un petit peu tout ça. Mais comme vous savez, on s'attache chaque semaine à essayer de décortiquer un thème et on avait envie d'entendre parler celle qui ne parle pas depuis quelques semaines. Elle a beaucoup parlé à une époque, hein, on l'a entendu même murmurer à la jeunesse il y a quelques mois après son départ du gouvernement. Et j'avais envie d'entendre cette voix, sachant que c'est une voix qui est toujours peuplée d'autres voix, Christiane Taubira. Et vous aviez envie reparler avec elle des valeurs de la gauche, de ce qu'elle considère en tous les cas être les valeurs de la gauche. C'est quoi alors finalement ? Alors c'est vrai que le questionnement a commencé de cette manière parce que je lui demandais « Est-ce que vous pensez que la gauche peut se réinventer ? » Elle me dit « Mais d'abord, se réinventer, il faut d'abord qu'elle se retrouve et qu'elle se retrouve sur des valeurs. » Alors, d'abord, elle l'a définie, j'allais dire, négativement. C'est-à-dire qu'elle dit très bien que pour elle, ce qui est le pire pour la gauche, c'est de finalement d'avoir adopté la sémantique de la droite, d'avoir adopté le langage. Elle cite Todorov qui dit « Les mots sont des événements ». Eh bien, les mots que la gauche s'est choisi, les critères de résultat, de gestion, toutes ces choses-là, ça l'a éloignée d'elle. Et du coup, ses vraies valeurs, c'est-à-dire la question sociale, considérer les inégalités comme intolérables, le fait que l'humain est au centre et non pas l'économie qui broie l'humain, finalement est passé au second plan. Donc elle ramène d'une certaine manière, ou elle rappelle la gauche à ses valeurs, j'allais dire, de toujours. Donc un humanisme, mais qui n'est pas l'humanisme de Mario Vargas Llosa, Albert Bensoussan. Ah, je ne sais pas, c'est à lui qu'il faudrait... Je ne veux pas répondre pour lui, hein. Mais il est certain que Mario Vargas Llosa dit qu'il est plutôt à droite. Il est à gauche que lorsqu'il y a des mouvements révolutionnaires, par exemple, il est opposé au nationalisme catalan et il va défendre le nationalisme palestinien. Dans mon livre, dans ce que je sais de Vargas Llosa, je dis que c'est une toute petite chose qu'on peut contester chez lui, une petite incohérence, quoi. Donc, mais c'est pas un homme unidimensionnel. Ouais. Il a une pensée subtile, nuancée. Il réagit selon les événements. Voilà. Alors, tout comme sans doute Christiane Taubira, j'en reviens à vous, Éric Fotorino, qui analyse le monde contemporain à travers un penseur, et ce penseur, c'est le philosophe italien Giorgio Agamben. Oui, je crois que c'est assez passionnant, comme je disais tout à l'heure, Christiane Taubira, lorsque vous la rencontrez, vous parlez longuement avec elle, il y a de la poésie, il y a de la philosophie, un peu d'ésotérisme, etc. Il y a tout un tas de langues qui passent aussi dans le fond sonore de la conversation, de l'espagnol au créole, à beaucoup d'autres, à l'anglais. Et là, Agamben, pour elle, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que le contemporain ? Qu'est-ce que c'est que d'être avec les problématiques d'aujourd'hui. Et la réponse, elle cite Agamben, elle dit « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres, hein, je dis bien de ténèbres, qui provient de son temps. » Et donc, elle dit bien « Les leçons du passé nous instruisent, mais ce qui est plus difficile, c'est pas tant de voir la lumière de la vie, la lumière des succès d'aujourd'hui, c'est de voir l'obscurité, les ténèbres. Qu'est-ce qui, justement, dans ce clair-obscur ou dans ce sombre, se joue, travaille et qui, évidemment, fait évoluer nos sociétés ?» Ténèbres à tel point qu'elle parle également de mélancolie de la gauche. Oui, mélancolie de la gauche, elle fait là allusion au travail d'Enzo Traverso, un autre Italien, elle était très italienne ce jour-là, et Traverso dit que finalement, on ne tire pas assez, la gauche ne tire pas assez les conclusions de son exercice du pouvoir, de ses échecs, au point même quelquefois de confondre ses échecs aux raisons qui ont fondé les idéaux, qui eux, qui, elles, ne sont pas nécessairement mauvaises, périmées, en échec. Donc ça veut dire que vous pouvez échouer, pour autant votre idéal n'est pas nécessairement atteint. Mais la question de l'idéal et de la politique, ça c'est quelque chose qui nous ramène à Mario Vargas Llosa, qui disait, Albert Bensoussan, qu'il était idéaliste en tout, sauf en politique, parce que c'était le seul endroit où finalement ça lui semblait irrationnel d'être idéaliste. Mais oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, l'idéal, l'idée se heurte à la réalité. Et donc, cette réalité-là ne peut pas entrer dans un moule, un concept conçu dans un laboratoire. Et lui, c'est un homme de terrain. Et à 16 ans, il était déjà en train d'écrire des articles. À 16 ans. À 19 ans, étant marié, il fallait qu'il gagne sa vie. Il a commencé à faire les chiens écrasés. Il était dans la boue. Et c'est cette boue-là qui a fait qu'il a écrit des romans sur la boue, c'est-à-dire des romans réalistes. Il admirait beaucoup Zola, naturellement Victor Hugo, le plus grand de tous pour lui. Voilà, il faudrait organiser un débat. Mario Vargas Llosa, Christiane Taubira. Merci beaucoup Eric Fotorino pour se procurer le 1 sur la démondialisation jusqu'à demain et à partir de demain sur Christiane Taubira. On va bien entendu dans quelques... On va au kiosque, la maison de la presse, et on peut s'abonner aussi. Eh bien, bien entendu. À bientôt Eric. Au revoir. Cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entonces entró la Guillermina, entró el sol, las estrellas. En Temuco, y yo tenía 14 años, era orgullosamente oscuro, delgado y ceremonioso. Nous sommes mardi et tout va bien. C'est le deuxième volet de la Compagnie des auteurs dévolu cette semaine au grand écrivain péruvien Mario Vargas Llosa. Nous sommes avec son traducteur Albert Bensoussan, un expert du langage, tout comme l'écrivain péruvien. Un langage qu'il faut parfois malheureusement malmener, surtout en politique. Je crois que pour un écrivain, c'est une expérience assez difficile et même parfois déchirante d'utiliser les mots où il faut sortir du cliché, du langage mort, de les stéréotypes, où il faut imprégner de vie, hein, de créativité, le langage mort du lien commun, d'être obligé de simplifier constamment et de répéter aussi constamment deux obligations inévitables du langage politique. Si on veut vraiment atteindre tous les publics, ce qui est l'obligation de quelqu'un qui est en train de participer dans une bataille électorale, alors le langage devient quelque chose de très fonctionnel, instrumental, quelque chose que le langage ne l'est jamais pour un véritable écrivain. Alors, j'ai lutté contre ça, j'ai essayé quand même, sans utiliser un langage inintelligible, n'est-ce pas, pour les publics, de maintenir toujours une certaine créativité dans les discours politiques, mais j'ai trouvé que c'était énormément difficile et que parfois, même par fatigue, j'ai tombé aussi dans le lieu commun. C'est que ça n'est pas facile, Albert Bensoussan, quand on est écrivain, quand on est un grand écrivain, d'utiliser un langage utilitaire, un langage qui a pour but de convaincre, et c'est celui-là qui est le langage utilisé par les hommes politiques. Ça a été difficile du coup pour lui. Il s'est trouvé obligé, il avait créé ce mouvement Liberté, et il ne pensait pas du tout être candidat à la présidence, et il a fallu qu'il fasse des meetings, des discours. Je crois que ça lui a énormément coûté, parce qu'il s'est aperçu à ce point-là qu'il était obligé, comme il le dit, d'employer des stéréotypes, de parler directement, de faire des réductions de langage, alors que son langage en tant qu'écrivain est un langage qui est subtil, avec des doubles sens, des triples sens, comme on en a parlé tout à l'heure, on a vu le sens de la métaphore, de la parabole dans son écriture. Et en même temps, c'est quelqu'un qui veut être l'homme de la vérité, qui ne veut dire que la vérité. Bien sûr, la vérité par le mensonge. Alors justement, c'est ça, c'est le titre d'un de ses essais. Je me souviens quand j'ai traduit ça, un peu bêtement d'ailleurs, j'avais pensé le donner comme titre « Le mentir vrai ». Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que le titre existait. Eh oui. Aragon était passé par là. Enfin bon, la vérité par le mensonge. Lui, c'est ça qu'il veut faire. Par le mensonge de la fiction, il veut arriver à la vérité de la vie. La vraie vie, c'est la vie rêvée, la vie qu'on invente. Pourquoi ? Parce que ce monde est un monde malheureux. Il le voit bien au Pérou, ailleurs, partout où il est allé, les gens sont malheureux. Et lui aussi, ils ont besoin de rêves, ils ont besoin d'histoires. Quand, par exemple, dans La Tante Julia, il nous montre tous ces gens autour de la radio, en train d'écouter les feuilletons radio, de se passionner pour eux, c'est la vraie vie. Parce que l'autre vie est une vie tellement misérable qu'il faut l'oublier. Mais la vie de Mario Vargas Llosa, elle est ni malheureuse ni misérable ? Ah ça, je peux pas le dire. Je crois que c'est une vie intense, c'est une vie... je sais pas, mais quand il... son apprentissage de l'écriture était une véritable assaise. Quand, par exemple, dans le Cahier de Lerne, il y a la... Que vous avez dirigé. Que j'ai dirigé, oui, avec Laurence Tacou, que j'aime beaucoup, et qui est une grande... enfin, qui a fait des cahiers extraordinaires. Et il y a un témoignage de Cabrera Infante. Mario vient de quitter Paris, il vient de divorcer et il s'installe à Londres avec Patricia, sa cousine qu'il vient d'épouser. Après avoir épousé voilà. Sa tante, il a épousé oui, sa cousine. Ils sont restés 7-8 ans mariés, il était tout jeune, il l'a épousée, elle avait 19 ans. Hein. Il avait 19 ans et elle en avait 32, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, c'est beaucoup quand même. Et puis bon, bah, ils ont eu quelques années de bonheur et il a vraiment profondément aimé. Et elle a beaucoup aidé aussi dans son écriture. Il avait besoin d'une maman pour lui tenir la main une fois. C'est vous qui le dites ou c'est lui qui vous l'a dit ça ? Non, c'est une impression subjective que j'ai. Je revois Mario assis à table, il me semble que Patricia lui donnait à manger à la cuillère. Mais c'est une image fantasmatique que j'ai. Et il avait besoin qu'on lui tienne la main. Et lorsqu'il est à Londres, ils habitent dans un sous-sol. Vous savez, à Londres, ces maisons avec le rez-de-chaussée surélevé, le rez-de-chaussée au-dessous. Et là, il s'installe là, il écrit toute la journée. Et Patricia lui passe des sandwichs à midi pour qu'il puisse manger. Oui. Alors, il veut pas non plus voir qui que ce soit quand il est dans il est enfermé, séance d'écriture. Voilà. Donc il ouvre la porte, voilà. Hop, il prend le plateau. Malheureusement, il y a un intrus, c'est un rat. Et le rat est très important. Alors Cabrera dit que Patricia a été absolument épouvantée. Et c'est sa propre femme, la femme de Cabrera, Myriam Gomez, qui est venue tuer le rat. Et ce rat, on va le retrouver dans toute son œuvre après. Il y a des rats partout. Il y a des rats et des chiens, en fait. Et des chiens, oui, il y a des animaux. Mais il y a l'histoire du raticide dans La Tante Julia, qui est extraordinaire, hein, qui a été repris ensuite au cinéma. On a fait un film là-dessus. La demeure des héros, ça s'appelle. Bref, il travaille, quand il travaille pendant 8 heures, 10 heures, sans bouger, et tout le monde est à son service. Sa femme est à son service. Il lui a rendu hommage au discours du Nobel en disant que sans elle, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, vous vous souvenez qu'il a peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a eu un sanglot dans la voix, chose qui ne s'était jamais produite lors de la remise du prix Nobel. Alors, vous le connaissiez déjà dans les années 90, en 1990, quand il s'est lancé dans cette campagne électorale un peu folle, devenir président du Pérou. Il a failli d'ailleurs le devenir. Tous les sondages le donnaient vainqueur. Et puis, finalement, il est passé à côté. C'est Fujimori qui a gagné. Moi, j'attendais le tapis rouge pour me recevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a perdu devant Fujimori. Fujimori. Qui est un Péruvien d'origine japonaise. Eh bien, on va le retrouver dans un roman qui va arriver bientôt, Les tours et détours de la vilaine fille. La vilaine fille voyage beaucoup. Elle est comme lui. Et elle va à il y a une séquence qui se passe à Tokyo. À Tokyo, elle va être mêlée à un milieu de yakuza. Et alors lui, il va la retrouver là-bas. Le chef des yakuza, entre nous, Bah, c'est le sosie de Fujimori. Mm-hmm. Ce type horrible qui la torture, parce qu'elle va arriver, il faut l'amener à l'hôpital tout de suite, elle est déchirée de partout, n'est-ce pas ? Ce yakuza est un obsédé sexuel, il a des déviances, il fait des choses bizarres avec elle. Mario ne nous épargne jamais rien sur ce plan-là. Et bien, c'était sa façon de se venger de son échec électoral. Il transcrée la réalité à travers la fiction, et tout ce qu'il a sur le ventre va apparaître dans son écriture. C'est ce qui lui donne d'ailleurs cette énorme force. Donc il dit qu'il ne regrette pas cette campagne qui était pourtant éreintante, et que finalement la littérature y a gagné, puisque s'il avait été président pendant 5 ans, il n'aurait plus écrit que des discours. Mais oui, c'est ça. Alors Mario, c'est l'homme qui n'accepte aucun échec. Si on a le temps, je peux raconter une petite historiate. L'échec. Il a voulu faire un scénario de cinéma avec Rui Guerra. Je ne sais pas si on se souvient encore qu'il fut un très grand cinéaste portugais du cinéma novo. Et Rui Guerra, lui, voulait faire un grand film sur le Brésil, le Nord-Est. Et il lui a donné à lire le livre de Euclides da Cunha, qui s'appelle « Le Sertão », qui se passe dans le nord-est brésilien avec les gangaceiros, toutes ces choses-là. Mario fait un scénario, je le traduis, et le producteur est à Paris, la Paramount s'intéresse, et ils essaient de faire un montage financier. Ça échoue. Le correspondant, celui qui était responsable de Paramount France, s'appelait Léon Zuratas. Le film ne se fait pas, il reprend ses billes, il va au Brésil, il écrit un grand roman qui s'appelle « La guerre de la fin du monde ». Mais il n'a pas oublié le Zuratas. Et alors, le Zuratas, on va le trouver dans un autre roman qui s'appelle « L'homme qui parle », El Hablador en espagnol. Le personnage s'appelle Zuratas. Et ce Zuratas-là est un personnage très particulier, le visage partagé en deux. Il a un névus, une tache de vin, et cet homme-là est déchiré en deux. Voilà. Eh bien, ce Zuratas, comme il a eu un échec, il le met dans le roman, il est fait un roman, il ne perd rien de ce qu'il a connu. Et voilà. De ses échecs, parfois, il tire de très beaux livres, comme on commençait d'en parler tout à l'heure, « Le poisson dans l'eau », issu donc de son expérience de candidat à la présidentielle. Peut-être avait-elle raison. Il est sûr que si la présidence du Pérou n'avait pas été, comme je l'ai déclaré en plaisantant à un journaliste, le métier le plus dangereux du monde, je n'aurais jamais été candidat. Si le déclin, l'appauvrissement, le terrorisme et les multiples crises n'avaient pas fait du gouvernement d'un tel pays un défi presque impossible, pareille tâche ne m'aurait pas traversé l'esprit. J'ai toujours cru qu'écrire des romans représentait, dans mon cas, une façon de vivre les nombreuses vies, les multiples aventures que j'aurais voulu avoir. Je ne peux donc écarter que dans ce fond obscur où se trament les motivations les plus secrètes de nos actes, la tentation de l'aventure m'est poussée, plus qu'aucun altruisme, vers la politique professionnelle. Mais si l'aiguillon de l'action a joué un rôle, autre chose a également joué que j'appellerais, au risque d'être grandiloquent, l'engagement moral. La compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, Mario Vargas Llosa, qui racontait ici finalement ce qu'il retirait de cette expérience. Ce qu'on peut dire, Albert Bensoussan, c'est que, au fond, ce moment de sa vie, c'est la preuve que la vie de Mario Vargas Llosa, c'est un roman, et que son projet, c'est peut-être ça, de faire de sa vie un roman. Ah bah sûrement, on en a parlé, rien de ce qu'il a vécu n'échappe à l'écriture. La moindre chose va se retrouver dans les romans. Il a des carnets, n'est-ce pas ? Il a pris des notes tout le temps, n'est-ce pas ? Il a toujours son... Il n'a pas grand-chose sur lui, il a ses lunettes et un stylo. Il prend note de tout. Et rien ne doit être perdu. Et ça, c'est la leçon qu'il a tirée de Flaubert. Il en parle dans son grand essai « L'orgie perpétuelle ». Rien de ce qui se passe dans la vie ne doit se perdre et tout doit alimenter un roman ou un texte. Alors après l'élection présidentielle perdue, il va laisser de côté le libéralisme, mais il en voudra toujours à la France. Je commençais à le dire tout à l'heure. Vous parliez de Flaubert, l'amour pour la France est multiple. Aussi, oui. Victor Hugo aussi. Et puis même l'amour pour Sartre, pour Camus. Quand il est venu vivre ici, c'était par envie finalement d'approcher cette culture française qu'il a beaucoup aimée. Et puis, dans un chapitre de votre livre, Ce que je sais de Vargas Llosa, on peut dire au passage que c'était dans une collection dirigée par Pierre Bonsen, je crois que ça vous tient à cœur qu'on... Ah oui, oui, absolument. Sans lui, le livre n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas été fait. Et il m'a beaucoup encouragé. Dans ce livre-là, il y a un moment où vous dites « La fête est finie à Paris ». Enfin, c'est vous qui le dites, c'est surtout Mario Vargas Llosa. Oui. Alors évidemment, ça nous fait de la peine, à nous, les Français, que Mario Vargas Llosa, d'une certaine façon, considère qu'aujourd'hui, c'est terminé, Paris et la littérature. C'est pas un petit peu exagéré ? Oui, tout à fait. Mais Mario n'est pas un être, comment dire, il est épidermique. Il y a une querelle, qui est la querelle avec Régis Debray, sur un mot qui l'a choqué, c'est l'exception culturelle. Il n'a pas pu accepter que la France, par exemple, mette des quotas en disant il faut qu'il y ait des productions françaises dans le cinéma et pour lutter contre l'impérialisme américain. Et il a trouvé que c'était stupide. Il a dit, mais enfin, c'est lamentable. Si vous allez à Stanford, voyez Derrida, voyez des gens comme ça. On ne jure que par la pensée française. Et lui avait suivi les grands séminaires de Roland Barthes et de Lucien Goldman à Paris, qu'il admirait beaucoup. Et donc, il a eu l'impression que à ce moment-là, quand on a parlé d'exception culturelle, la France se repliait sur elle-même et qu'elle avait un réflexe nationaliste. C'est provincial, un mot qui lui fait horreur. Alors, il a dit, ça y est, la France se replie, elle est nationaliste, donc il n'y a plus de fête à Paris. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à Princeton qu'il a donné toutes ses archives. Oui, c'est alors ça. Au fond, il aurait pu aussi les donner à une université française. C'est exact. Il a vraiment fait le choix. Mes lettres, les lettres que j'avais avec lui autrefois sont à Princeton. Et je ne peux pas les consulter, il faudrait que j'aille là-bas. Est-ce qu'il est pessimiste ou optimiste sur l'avenir du roman ? Ah, il est optimiste. Oui, dans La civilisation du spectacle, ce grand essai qu'il a écrit sur l'invasion des médias et cette espèce de bâtardissement de la littérature, il pense que, contrairement à Steiner, il le contredit et il pense que, malgré tout, le livre va vivre, même sous une forme électronique, c'est quand même un livre. D'ailleurs, ses derniers romans chez Gallimard existent également en forme électronique. Il n'a jamais fait opposition à ça. Il pense que le roman, que le livre en tant qu'objet, qu'on pulse, qu'on ouvre, qu'on découpe comme autrefois, c'est quelque chose qui va encore résister. Donc il embrasse finalement avec joie la modernité. Oui, absolument, absolument. Ah oui, il est ultra moderne. Oui, il écrit avec l'ordinateur, tout ça. Les écrivains à peu près, je pense, aujourd'hui. Non, il y a des écrivains qui écrivent à la plume, j'en connais. Ah oui, qui refusent, oui, tout ça. Oui. Mais il dit par exemple, regardez Don Quichotte, Don Quichotte tue le roman de chevalerie, et il crée autre chose. C'est la destruction créatrice, finalement, chère aux libéraux. Oui, et le roman va renaître de ses cendres. Le phénix, c'est un mythe que Mario connaît bien, qu'il a utilisé également, bien sûr. Le roman doit rebondir toujours. Et lui, il fait des romans, par exemple, le roman de chevalerie, il l'a utilisé dans la guerre de la fin du monde. Il parle des 12 pairs de France, il parle de Robert le Diable, de choses comme ça. Et au fond, il se prend un peu aussi pour Cervantes, d'une certaine façon. C'est un écrivain réaliste, totalement réaliste, Mario Vargas Llosa. Je crois que c'est un mot déjà en soi qui est sujet à caution. Qu'est-ce que le réalisme ? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ce roman s'inscrit dans une réalité. La réalité de tous les pays qu'il a parcourus. Et il essaye de faire une histoire, bâtir une histoire à partir d'une réalité. C'est ça son réalisme. Ceci étant dit, par exemple, quand il décrit à Tokyo le château Meguro, alors je suis allé au château Meguro, le quartier, j'ai pas vu ce qu'il avait vu. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il avait besoin d'introduire dans un certain contexte les idées qui lui tenaient à cœur, à savoir le Yakuza et ces gens horribles qui lui avaient volé la présidence du Pérou. Voyez ? Mais il est réaliste dans le sens que tout son œuvre s'inscrit dans la réalité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de coupures de presse, de petites choses qu'il a lues dans la presse qui ont déclenché chez lui le réflexe romanesque, le réflexe d'écriture. Albert Bensoussan, vous dites que Vargas Llosa a une voix un ton et puis des idées qu'il sait lier comme ça dans un tout homogène. Pour vous, on le reconnaît entre tous, il y a un ton qui n'appartient qu'à lui. Ah oui, oui, moi quand je lis un livre de lui, un article, tout ça, d'abord j'entends sa voix. On l'a entendu sur l'antenne, il a une voix très particulière, un peu aiguë. Oui, assez rieuse en fait. Sérieuse, oui, c'est ça. Non mais sérieuse, mais en même temps... Il parle très fort. Rieuse aussi, non, croyez pas ? Comment ? Assez rieuse en même temps. Ah oui, oui, oh, oui, bien sûr, oui, oui. Non, mais c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Hein. Oh, ben d'ailleurs, vous savez, il a écrit un roman extraordinaire, on n'en a pas parlé, Pantaléon et les visiteuses. Alors ça, c'est un roman que j'ai traduit avec des éclats de rire à presque à chaque page. C'est un homme qui a un ton, qui a une voix... Et on le reconnaît, enfin moi je le reconnais dès que je le lis. Et qui pour vous est un ami, Albert Bensoussan. Ah, complètement. C'est peut-être ça qui compte le plus. Mais oui, sûrement. C'est l'ami de toute ma vie, c'est sûr. Merci beaucoup, Albert Bensoussan. Merci, monsieur. Je rappelle que vous avez traduit donc la majeure partie, et cela depuis très longtemps, des romans de Mario Vargas Llosa. Et puis vous avez participé à l'édition en Pléiade de ses œuvres. Vous êtes également l'auteur de « Ce que je sais de Vargas Llosa », disponible aux éditions François Bourin. Demain, dans la compagnie des auteurs, il sera question de la violence dans l'œuvre de Mario Vargas Llosa. Nous en parlerons avec l'universitaire Claire Sourpe. Mais tout de suite, pas de violence, mais des poèmes, d'Éric De Luca, en l'occurrence interprété ici par Jacques Bonafé. Bonjour, Allée simple de Éric De Luca. Au deuxième jour, nous poursuivons, nous sommes à bord d'une barque, celle des migrants. En face d'eux, les passeurs. La mer monte et cogne. Un de nous roule vers eux. L'autre pointe son fusil, le nôtre lève les mains. Une vague renverse son équilibre, l'envoie dans la gueule de l'arme. L'autre tire, le cou repousse et le jette dans mes bras. Mort la poitrine défoncée, nous faisons un bruit de forêt. Il pointe son arme sur nous, la tempête nous couvre. Nous devons le tuer, l'ancien béni selon la coutume. Moitié d'Afrique foulée sous les pas, mourir sans place pour les pieds. Et qu'il en soit ainsi, désert pour désert, il donnera du sang aux branchies, les mains foncées descendront traire des méduses. L'ancien invente la bénédiction, nous soulevons notre camarade, je lui promets, tandis que la mer le prend, je lui promets. Il coule, les bras grands ouverts, les jambes écartées de sauteur, en maître de tente qui reçoit son hôte, la mer. Sans soir est arrivé son jour. Encore le jour, troisième, la nuit, mer contre flanc, le marin tourne la pointe au vent. Les hommes ont laissé les prières à terre, du voyage n'est fautif le dieu de chacun. Nulle invocation, supplique d'aide, d'ici seul un salut au roi de l'univers. Si nous étions à terre ces nuits-ci, nous chanterions pour les troupeaux menés sur le haut plateau. Nous tiendrions à distance les lions par notre chant. Les femmes veilleraient sur le feu dans le cercle de pierre. Nous sommes un désert qui marche, peuple de sable, fer dans le sang, chaud dans les yeux, un fourreau de cuir, tant de vies détruites ont aplani le voyage. Des pas ôtés à d'autres poussent les nôtres en avant. Les soldats brûlent les villages tandis que nous sommes au pâturage. Ils jettent au feu gens et bêtes, laine et barbe blanche. Ils étranglent le puits à la dynamite. Abat les plantes, roulent des têtes d'enfants de la pointe de leurs bottes. Nous rentrons alors que le bivouac est encore chaud et que fume le chant des assassins sous le noyer des aïeux. Chassés de la terre, nous sommes la graine crachée le plus loin de l'arbre coupé jusqu'au champ de la mer. Servez-vous de nous, gisements de vie à exploiter, plantes, métal, mains, bien plus que force de travail. Notre patrie est la cendre fraîche de vieux et d'animaux. Elle est partie avant nous dans le vent. Elle doit déjà être arrivée. Vous n'avez jamais vu migrer des patries. Nous de l'Afrique, oui. Elles se lèvent avec la fumée des incendies, se répandent comme l'engrais.